Maître le Mabé, Bobo Van Damme, Kitoko. Opération Tempête du Désert, Saddam Hussein, l'homme fort, na Paris, Acha Mofoto, Marius Lufumo. Mobala Sango, jeune homme Mango, Adona Ngenge, Mwanango, Aza Noble, Nazaï, Maezanse, Yaba Bourgeois, Saddam Hussein, Soki Alati Kitoko. Il faut à la présence, ou que de fleurs, Kadona Bombelia, j'ignorais. Jonas Mbese, est-ce que vous êtes là? Naboteli yomo langi, Saddam Hussein, Boko kita lokola ange, Oli kolo, Boko ngeka lokola minzoto ya siona. Leki ya mentre madova, je t'adore vraiment. Saddam Hussein, junior, moi ma papa, ye ye ye. Bato balinga kaoka siyo eba kate o presence na yo ezali necessaire. Mamilia ba jeune pe na generasyo ya sika. Sayo mimba boyo kanga na nangolela. Oya komona Saddam Hussein apresa komunike na sila toto bona koza ma presence na yo. Uruzo me misinga bozito na koko kate kolinga mobala kene sango. Thank you. Zumba. Jamais, la vérité, ma mère, jamais, qui m'a l'eau.